Chapitre 5. Kazan rencontre Louve Grise. Assis sur son derrière, Kazan, après avoir jeté son cri lointain, se mit à renifler dans l'air la liberté qui, maintenant, était la sienne. Autour de lui s'évanouissaient avec l'aurore les abîmes de nuit de la forêt. Depuis le jour où tout là-bas, sur les bords du Mackenzie, il avait été par des marchands qui trafiquaient dans ces parages achetés aux Indiens et, pour la première fois, attelés au harnais d'un traîneau, il avait souvent, en un désir ardent, songé à cette liberté vers laquelle le repoussait le sang de loup qui était en lui. Jamais il n'avait complètement osé. Maintenant que c'était fait, il en était tout désorienté. Le fleuve Mackenzie prend sa source dans les montagnes rocheuses, traverse le Canada vers l'ouest et va se jeter dans la mer glaciale du nord après avoir côtoyé les grands lacs de l'ours et de l'esclave. Le soleil était complètement levé quand il arriva au bord d'un marais calme et gelé qui occupait une dépression entre deux chaînes de montagnes. Le sapin et le cèdre poussaient drus sur ses bords, si drus que la neige avait à peine traversé leurs ramures et que la lumière s'y tamisait au point de n'être plus qu'un crépuscule. Le jour n'était point parvenu à dissiper le malaise qu'éprouvait Kazan. Il était libre des hommes et rien n'était plus autour de lui qu'il lui rappela leur présence haïe. Mais la société des autres chiens, le feu, la nourriture toute préparée et jusqu'au traîneau coutumier, toutes ces choses qui avaient, de tout temps, fait partie intégrante de sa vie, lui manquaient. Il se sentait seul. Ses regrets étaient ceux du chien. Mais le loup réagissait. Il disait au chien que, quelque part, dans ce monde silencieux, il y avait des frères et que, pour les faire accourir, il lui fallait s'asseoir sur son derrière et hurler au loin sa solitude. Plusieurs fois, Kazan sentit l'appel trembler dans sa poitrine et dans sa gorge, sans réussir complètement à l'exhaler. La nourriture lui vint plus rapidement que la voix. Vers le milieu du jour, il accula contre une souche d'arbre un gros lapin blanc et le tua. La chair chaude et le sang rouge étaient meilleurs que le poisson gelé et que le suif coutumier, et la succulence de ce nouveau repas ranima sa confiance. Au cours de l'après-midi, il pourchassa plusieurs autres lapins et en tua encore deux. Il avait ignoré jusqu'à ce jour le plaisir de la chasse et celui de tuer du gibier autant qu'il lui plaisait, quoiqu'il n'eût point mangé tout ce qu'il avait tué. Puis il trouva que les lapins mouraient trop aisément. Il n'y avait point de combat. Les lapins étaient très frais et très tendres quand on avait faim, mais la joie de la victoire était minime. Il se mit donc en quête d'un gibier plus important. Il marchait ouvertement et sans songer à se dissimuler, la tête haute, le dos hérissé. Sa queue touffue se balançait librement comme celle d'un loup. Tout son corps frémissait de l'énergie de vivre et du désir de l'action. Instinctivement, il avait pris la direction du nord-ouest. C'était l'appel des jours lointains qu'il avait vécu jadis sur les bords du Mackenzie, à 1000 milles de là. Le mille anglais vaut 1600 mètres. Il rencontra des pistes diverses et renifla les odeurs laissées par des sabots d'élan et de caribous. Il releva les empreintes des pieds ouatés de fourrure d'un lynx. Il pista aussi un renard et arriva ainsi à une clairière entourée de grands sapins où la neige était battue et rougie de sang. Sur le sol gisait la tête d'un hibou, ses plumes, ses ailes et ses entrailles, et il comprit qu'il n'était point le seul chasseur de la région. Vers le soir, il tomba sur d'autres empreintes qui ressemblaient fort aux siennes. Elles étaient toutes fraîches, et leur senteur récente fit qu'il gémit en se remettant sur son derrière et en s'essayant par de nouvelles vocalises au cri du loup. À mesure que grandissaient dans la forêt les ombres de la nuit, il sentait davantage sa solitude et le besoin se faisait plus impérieux d'appeler à lui ses frères sauvages. Il avait voyagé toute la journée, mais ne sentait point la fatigue. La nuit était claire et le ciel empli d'étoiles. La lune se levait. Il s'installa à nouveau sur la neige, le nez pointé vers le faîte des sapins, et le loup naquit soudain en lui, en un long et lugubre hurlement qui courut au loin pendant des milles à travers le nocturne silence. Quand il eut terminé son cri, il demeura assis et écouta, tout fier de l'étrange et nouvelle modulation que son gosier avait réussie. Mais aucune voix ne répondit à la sienne. Il avait, sans qu'il s'en rendît compte, hurlé contre le vent qui refoulait derrière lui son cri. Seul en fut éveillé un élan mâle qui prit la fuite tout près de lui en faisant craquer les broussailles et dont les grandes cornes vinrent battre comme des baguettes de tambour avec un bruit sec les ramures des arbres. Deux fois encore, Kazan lança son hurlement afin d'être bien sûr de tenir son nouveau cri. Puis il se remit en route. Il arriva au pied d'une crête abrupte et raboteuse qu'il escalada en décrivant un détour et dont il atteignit ainsi le sommet. Une fois là, il lui sembla que les étoiles et la lune étaient plus près de lui et il s'en émerveilla. Puis, ayant porté ses regards sur le revers de la crête, il découvrit à ses pieds une vaste plaine avec un lac gelé qui étincelait au clair de lune. De ce lac sortait une rivière blanche de gel, elle aussi, et qui disparaissait ensuite parmi des arbres paraissant, autant qu'il pouvait en juger, moins touffus et moins denses que ceux dont était bordé le marais. Et voilà qu'au loin, dans la plaine, un cri retentit, pareil à celui que lui-même avait jeté, le cri du loup. Ses mâchoires claquèrent, ses crocs brillèrent, et il fut pour répondre aussitôt. Mais l'instinct de défiance du Wild, qui était inné en lui et lui commandait d'être prudent, fit qu'il se tut. Le wild ou wilderness est un terme générique intraduisible qui, comme le cause, la brousse, la pampa, la steppe, la jungle, le maquis, désigne une région particulière et l'ensemble des éléments types qui la constituent. Le wild, qui occupe une grande partie du Northland américain, s'étend jusqu'au cercle arctique. Ce n'est plus la terre normalement habitable et ce n'est point encore la région morte du pôle. Les forêts alternées de prairies sont nombreuses. Durant la plus grande partie de l'année, l'hiver sévit et la neige recouvre uniformément la terre. Un bref été fait croître hâtivement une végétation rapide et luxuriante. Le sol est tantôt plat, telles les étendues dénudées des Barrens, tantôt montagneux et accidenté. Il continua à écouter, tout frémissant, en proie à une excitation sauvage qu'il pouvait à peine maîtriser. Le cri bientôt se rapprocha près, tout près, et d'autres s'y joignirent, espèces de glapissements aigus et rapides auxquels d'autres encore répondirent au loin. Les loups se réunissaient pour la chasse de la nuit. Kazan, assis sur son derrière et tremblant, ne bougeait toujours point. Ce n'était pas qu'il eût peur, mais la crête de la montagne où il se trouvait lui semblait trancher en deux l'univers. Là en bas, au-dessous de lui, était un monde nouveau, libre des hommes et de l'esclavage. En arrière, quelque chose planait dans l'air, qui l'attirait à travers l'espace, inondé de la clarté lunaire qu'il fixait des yeux. Une femme qui pour lui avait été bonne et douce, et dont il croyait encore entendre la voix, sentir la main caressante, l'appelait à travers les forêts. Il croyait ouïr son rire clair qui le faisait si heureux, apercevoir son jeune visage. Auquel des deux appels devait-il répondre? À celui qui l'appelait en bas dans la plaine? À l'autre qui le ramenait vers les hommes méchants, vers leurs gourdins et vers les lanières cinglantes de leurs fouets? Longtemps il demeura hésitant, sans bouger, tournant sa tête, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Puis il descendit vers la plaine. Toute la nuit durant, il demeura à proximité de la troupe de loups, mais sans se hasarder à s'en trop approcher. Et il fit bien. Il avait conservé, imprégné dans son poil, l'odeur spéciale des harnais portés par lui et celle des hommes avec qui il avait vécu. Les loups l'eussent aussitôt mis en pièces. L'instinct de conservation des créatures du Wild, qui était venu à lui comme un faible murmure à travers des générations successives d'ancêtres loups, lui avait appris qu'il devait agir ainsi, comme il lui enseigna, afin de s'imprégner d'une autre odeur, à se rouler dans la neige, là où elle avait été le plus densément piétinée par ses frères sauvages. La horde avait, au bord du lac, tué un caribou, et elle le festoya presque jusqu'à l'aube. Kazan humait le vent qu'il avait en face. Il lui apportait l'odeur du sang et de la chair chaude, qui lui chatouillait agréablement les narines. La finesse de son ouïe percevait le craquement des os dans les mâchoires, mais l'instinct de sa sauvegarde fut plus fort que la tentation. Au plein jour, lorsque la troupe se fut éparpillée de droite et de gauche dans la plaine, Kazan vint jusqu'au lieu de la ripaille. Il ne trouva plus que la neige rougie par le sang, couverte d'entrailles et de morceaux déchiquetés de peau coriace. Des lambeaux de chair abandonnés par la horde repue étaient attenants encore aux gros os. Kazan enfouit son museau dans ses débris et se roula à nouveau sur le sol afin de se saturer de tous ses relents. Le soir le retrouva encore à la même place et, lorsque la lune et les étoiles apparurent, sans trembler cette fois, il renouvela son appel. C'est une seconde horde qui arriva, venant du sud, et qui menait grand train un autre caribou qu'elle rabattait vers le lac gelé. La nuit était presque aussi lumineuse que le jour, et Kazan vit la bête traquée, une femelle qui sortait d'un bois de sapin, les loups à ses trousses. Ils étaient au nombre d'une douzaine environ, divisés en deux groupes qui s'avançaient en formant un fer à cheval, chaque groupe conduit par un chef et resserrant peu à peu l'étau commun. Poussant un glapissement aigu, Kazan, lorsque le caribou passa à proximité de lui, s'élança comme un trait et prit aussitôt la poursuite, collé aux sabots de la bête. Au bout de 200 yards, le yard vaut 0,91 m. Le caribou fit un crochet vers la droite et vint se jeter vers un des chefs de la meute, qui lui barra la route de ses mâchoires ouvertes. Le caribou s'arrêta le temps d'un éclair, et Kazan en profita pour lui sauter à la gorge. Tandis que le reliquat des loups accourait en hurlant, la bête vaincue s'écroula sur le sol, écrasant à moitié sous son corps Kazan, dont les crocs ne firent que s'enfoncer davantage dans la veine jugulaire. Malgré le poids qui pesait sur lui et l'étouffait, il ne lâcha point son emprise. C'était sa première grosse proie. Son sang brûlait plus ardent que du feu, et il grognait entre ses dents serrées. Pas avant que le dernier spasme de l'agonie n'eût abandonné le caribou, Kazan ne se dégagea de la lourde poitrine. Il avait, dans la journée, tué et mangé un lapin et n'avait pas faim. Il se recula donc et, s'asseyant dans la neige, regarda tranquillement la horde déchiqueter le cadavre. Comme le festin tirait à sa fin, il se hasarda parmi ses nouveaux frères, farfouilla du museau entre deux d'entre eux et en reçut en guise de bienvenue un coup de dent. Tandis qu'il se retirait un peu en arrière, se demandant s'il convenait d'insister, une grosse louve se détachant de la bande bondit soudain vers lui, droit à sa gorge. Il eut tout juste le loisir de parer l'attaque en se couvrant de son épaule et les deux bêtes allèrent rouler et rouler encore dans la neige. À peine Kazan et la louve s'étaient-ils remis sur leurs pattes que l'excitation de cette brusque bataille détourna vers eux l'attention des autres loups. Abandonnant les restes du caribou, ils firent cercle, découvrant leurs crocs, hérissant comme des brosses leur dos d'un gris jaunâtre, tandis qu'un des deux chefs s'avançait vers Kazan pour le défier. Dès que les deux bêtes furent aux prises, l'anneau fatal se referma complètement autour des combattants. Ce genre de tournoi en champ clos n'était pas nouveau pour Kazan. C'était le mode de combat ordinaire des chiens de traîneau lorsqu'ils vidaient leurs querelles. Si l'homme n'intervenait pas avec un fouet ou un gourdin, la bataille se terminait infailliblement par la mort d'un des deux champions. Parfois, ils y laissaient la vie l'un et l'autre. Il n'y avait pas à compter ici sur l'intervention de l'homme. Rien que le cordon des diables aux crocs aigus, qui attendait avec impatience le résultat du combat, prêt à sauter sur le premier des deux adversaires, qui culbuterait sur le dos ou sur le flanc et à le mettre en pièces. Kazan était un étranger parmi la horde. Il n'avait rien à craindre cependant d'une attaque partant des rangs des spectateurs. La loi du combat était pour chaque adversaire une justice égale. Kazan n'avait donc à s'occuper que du grand chef gris qui l'avait provoqué. Épaule contre épaule, ils tournaient en cercle, guettant l'un et l'autre le moment d'une prise de corps propice. Là où, quelques instants auparavant, claquaient des mâchoires et craquaient les os et la chair, le silence s'était fait. Des chiens dégénérés de la terre du Sud, aux pattes faibles et à la gorge tendre, auraient en pareille occurrence grogné leurs menaces en montrant les dents. Kazan et le grand loup, au contraire, demeuraient calmes, en apparence tout au moins. Leurs oreilles, pointées en avant, ne se repliaient pas peureusement, ni le panache de leur queue touffue qui flottait au vent ne se rabattait entre leurs pattes. Tout à coup, le loup esquissa sa première attaque, que Kazan évita de bien peu. Les mâchoires du loup se refermèrent l'une contre l'autre, avec un bruit d'acier. Et Kazan profita pour lancer sa riposte. Les couteaux de ses dents balafrèrent le flanc de son adversaire, après quoi les deux bêtes se remirent à tourner en rond, à côté l'une à l'autre. Leurs yeux devenaient plus ardents. Leurs lèvres se plissaient et se retroussaient. Ce fut au tour de Kazan de jeter son attaque et d'essayer de l'emprise mortelle à la gorge. De bien peu, lui aussi, il manqua son coup et le mouvement giratoire recommença. Le sang coulait abondamment du flanc blessé du grand loup et rougissait la neige. Brusquement, c'était une vieille ruse qu'il avait apprise dans sa jeunesse. Kazan se laissa tomber sur le sol, les yeux mi-clos. Le grand loup, étonné, s'arrêta aussi et tourniqua autour de lui. Kazan, qui l'observait, profita de ce que la gorge ennemie était à sa portée pour tenter à nouveau de la saisir. Mais cette fois encore, il y eut un inutile claquement de mâchoire. Avec l'agilité d'un chat, le loup avait déjà pivoté sur lui-même et fait volte-face. Alors commença la vraie bataille. Les deux bêtes bondirent l'une contre l'autre et se rencontrèrent dans leur élan poitrine contre poitrine. Kazan, dont le but était toujours l'emprise à la gorge, l'essaya de rechef. Il la manqua encore de l'épaisseur d'un cheveu, et tandis qu'il avait la tête baissée, le loup le happa à la nuque. L'attaque fut terrible et Kazan se sentit saisi d'une terreur intense. La douleur qu'il ressentait était vive aussi. Il réussit pourtant à tirer en avant la tête du grand loup dont il agrippa au joint du corps une des deux pattes de devant. L'os de la patte craqua sous sa mâchoire, solidement incrustée dans le poil et dans la chair, et le cercle des loups devint plus attentif. Le dénouement approchait. Lequel des deux combattants lâcherait le premier son emprise et roulerait sur la neige pour être dévoré? Ce fut Kazan qui, réunissant toutes ses forces en un effort désespéré, réussit à se redresser sous l'étreinte de son adversaire et, d'un mouvement violent, à s'arracher de ses mâchoires. Puis, sitôt qu'il fut libre, il s'élança contre le grand loup qui, la patte cassée, se trouvait en équilibre instable. En une botte pleine d'à-propos, il le frappa en plein flanc. L'animal perdit pied, roula sur le dos, et la horde aussitôt bondit sur lui, hâtive de se repaître de son ancien chef, dont le pouvoir et la force n'étaient plus. Laissant la meute hurlante aux lèvres sanglantes dévorer le vaincu, Kazan se retira à l'écart, haletant et fort mal en point lui-même. Sa faiblesse était extrême, et son cerveau tant soit peu trouble. Il éprouvait le besoin de se coucher sur la neige, mais l'atavique et sûr instinct de sa conservation l'avertissait de ne pas s'abandonner à ce désir. Comme il était là, il vit une jeune louve grise qui, souple et svelte, s'avançait. Elle commença par se coucher devant lui d'un air de soumission, puis se releva vivement et se mit à renifler ses blessures. C'était une jolie bête bien découplée, mais Kazan ne lui prêta point attention. Il était bien trop occupé à regarder disparaître l'ancien chef dont craquaient les os comme avaient craqué ceux du caribou et dont la chair et la peau s'en allaient en lambeaux. Un orgueil montait en lui qui lui disait qu'il était digne désormais des nouveaux frères qu'il s'était donnés. Désormais, quand il lancerait son hurlement à la lune et aux étoiles parmi le grand désert blanc, les sombres chasseurs aux pattes rapides ne manqueraient plus de lui répondre et d'accourir. Comme ses forces étaient un peu revenues, après un dernier coup d'œil vers la horde attablée, il regagna en trottant les plus proches sapins. Avant de s'y enfoncer, il se retourna et s'aperçut que Louve Grise, c'est ainsi que nous l'appellerons désormais, le suivait. Elle n'était qu'à quelques yards de lui et continuait à avancer avec un peu de timidité. Quelque chose qui n'était ni l'odeur du sang ni le parfum des baumiers, on donne ce nom à des arbres qui sécrètent le baume, espèce de résine particulièrement odoriférante. Ni l'arôme résineux des pins flottait dans l'air sous les claires étoiles, dans le calme apaisant de la nuit. Et ce quelque chose émanait de Louve Grise. Il la regarda dans les yeux, et il vit que ses yeux paraissaient l'interroger. Elle était à peine adolescente. Sur sa tête et sur son dos brillaient, sous la lune, ses poils lisses et soyeux. Elle lut dans le regard étincelant de Kazan son étonnement et gémit doucement. Kazan fit quelques pas en avant. Il appuya sa tête sur le dos de Louve Grise et sentit qu'à son contact, elle tremblait. Le mystère de la nuit et des astres était sur eux. Maintenant, elle avait tourné son museau vers les plaies de Kazan et les léchait, pour en apaiser la douleur. Il songea à d'autres caresses qui lui avaient été bienfaisantes aussi. Bientôt, le dos fièrement hérissé, la tête haute, il s'enfonçait côte à côte avec l'ouve grise plus avant sous les sapins.